Mais il y a aussi une annonce pour samedi prochain, le 1er février. Et donc, je vais laisser écouter parler Nathalie de Collectif Insoumisa qui fait cette annonce et tout ça à la soirée de soutien de samedi passé. Bonsoir tout le monde. Donc, le collectif Las Insoumises s'est né lors de. Après le 17 octobre, donc le 18, je pense. On s'est rencontrés à Place Flagey et on s'est dit il faut faire quelque chose, en sachant que ça allait durer longtemps parce qu'on a senti que c'était vraiment une révolte pour durer, vraiment de plus d'abus, fini ici, c'est vraiment. Et voilà, et le gouvernement depuis n'arrête pas de faire. On dirait qu'il cherche vraiment à je sais pas quoi. Comme disait Joaquin, je sais pas quoi, ce qu'ils veulent, mais même aujourd'hui ils ont signé une loi pour qu'il n'y ait plus de parité dans la nouvelle constitution, donc ça c'est aujourd'hui. Ils ont signé des lois pour arrêter tout ce qui est barricade, les métaires qui sortaient dans les rues et tout. Donc en mars, quand... je suis un peu malade, hein, désolé, la voix de canard. Mais en mars, en fait, il y a le retour à la... Maintenant, c'est les vacances, hein, on est en été. En mars, quand ils vont revenir de congé, bon, de congé, ceux qui sont congés, mais en tout cas, quand les cours vont recommencer, on attend vraiment que ce sera vraiment très très difficile, ce sera la répression. Maintenant, il y a tout le temps la répression en fait, il faut savoir qu'il y a plus de 420 personnes qui ont perdu les yeux. Il y a 10 000 et des personnes qui sont emprisonnées, il y a plein de blessés. Donc c'est une situation au Chili où les gens ne travaillent plus pour le moment, c'est vraiment très compliqué. Et donc il y a énormément de blessés, etc. Et donc nous, en tant qu'insoumisos, l'objectif est assez concret. Donc le collectif envoie tous les semaines dès qu'on peut, en fait, quand on fait des soirées comme aujourd'hui, tout l'argent de manière intégrale part au Chili. Donc que ce soit pour les médecins, les infirmiers qui sont dans la rue, donc notamment Salud a la Calle, qui est dans la rue, qui est vraiment, ce sont des volontaires qui sont là en train de soigner tous les blessés et qui eux-mêmes sont en première ligne. On envoie organisations de quartier qui sont en train de s'organiser. Il faut savoir que la première ligne, c'est celle qui permet qu'il y ait des manifestations. En fait, sans eux, il n'y aurait pas de manifestations parce que la répression est telle qu'on empêche en fait tout rassemblement. Et donc voilà, on envoie de l'argent. Oui, aussi à des organisations qui sont en train de faire de l'éducation permanente, je peux dire. Aussi, dans d'autres villes, on a envoyé à Antofagasta, on essaie de vraiment varier, que ce ne soit pas tout centralisé. On a envoyé de l'argent aussi pour les à Valparaíso quand il y a eu des incendies. Donc voilà, c'est vous allez trouver sur la page Las Insoumises sur Facebook. On a mis la transparence d'où l'argent part. Lors de la dernière fête, pour ceux qui ont été, on a réussi à avoir envoyé 2 500 € en une semaine, donc ce n'est pas mal. Et donc voilà, c'est grâce à vous, c'est grâce aux musiciens qui viennent aussi solidairement à chaque fois pour jouer. Bravo à eux. Et bravo à vous tous, en fait, bravo à ceux qui amènent aussi à manger de manière solidaire. Et voilà, on est tous, en fait, ensemble dans ce bateau, et voilà. Je vous invite, je profite pour le 1er février, salle de la jeunesse, on organise une rencontre latino-américaine. Il s'agit vraiment que chaque pays de notre continent, chaque pays frère, vienne parler 10 minutes, un quart d'heure. C'est un peu la suite de la marche latino-américaine qu'on a faite. L'idée c'est vraiment de se rencontrer, de se dire voilà pourquoi moi je lutte, voilà ma région de mon pays, à Mendoza, tout près de Santiago, de l'autre côté de l'Argentine, il n'y a plus d'eau, les rivières sont polluées. Donc voilà, au Mexique, Pao, qui viendra aussi nous raconter, avec les zapatistes. Et donc c'est savoir un peu dans tous les pays, donc bienvenue ceux qui ont envie de partager. Voilà, moi je suis en tant que péruvienne, en tant qu'équatorienne, brésilienne, tout le monde est le bienvenu. Pour raconter un peu voilà, dans mon pays ce qui se passe. Et c'est un partage, c'est un moment de rencontre et de se faire du bien, de voir ce qui nous unit en fait. La lutte contre le néolibéralisme à la fin. Donc, et il y aura après, comme toujours, avec la Sinsoumise, il y aura concert, danse, fête, etc., etc. Jusqu'à 2h de la nuit, comme aujourd'hui. Et on s'écoute tout de suite Britva, un groupe punk russe. Britva, ça veut dire rasoir. Et c'est parti. Я не знаю, что с ним будет, если это просто нет. de l'homme qui débloquait les vrais sympathies. L'original, c'était l'univers de soleil. On se sent du drap, on se sent la grâce. On se sent du drap, plus de la grâce. On se sent du drap, pas de l'homme qui débloquait les vrais sympathies. On se sent du drap, ça va être là. Bon, voilà, on a entendu la bande-annonce pour la fête ce samedi, fête Insoumise du collectif Insoumisos. J'avais mal dit au début. Et, ça aura lieu dans la salle de la jeunesse, rue Melsens, 38 à 1000 Bruxelles. Apparemment, c'est proche de la place Sainte-Catherine. Je voulais juste aussi encore dire que le collectif Insoumisos va venir en studio le mercredi prochain, donc le 5 février à 20h30 à l'émission Tranche d'un art. Voilà, et maintenant je laisse la place à Distro La Pinothèque. Ok, alors la Distro La Pinothèque, c'est quoi ? C'est un espace de diffusion de brochures, de tracts, de livres, de vinyles. Tourbillonnant sur la culture punk, mais aussi sur les mouvements sociaux. Vous pouvez nous retrouver lors de discussions, de concerts, et on peut discuter, puis on peut aussi s'échanger, ou vous pouvez trouver des bouquins pas faciles à trouver sur le mouvement social et sur la culture alternative, populaire et punk. Et donc voilà, on fait une émission tous les derniers mercredis du mois sur Radio Air Libre 87.7, écoutable sur le nouveau site de Radio Air Libre, donc c'est radioairlibre.net. Le téléphone, c'est le 02 344 58 55, et si vous voulez nous écrire, c'est l'adresse, c'est 365 AHOC d'Alzenberg. Vous pouvez nous envoyer la musique, des livres, plein de choses, des huîtres, du champagne, des kalachnikovs, et voilà. Et donc, ce soir, Aline va nous présenter la brochure qu'on a à la distro depuis un petit temps déjà. Donc, ça s'appelle « La ZAT de Notre-Dame-des-Landes, février 2018. Le mouvement est mort, vive la réforme. Une critique de la composition et de ses élites. » Puis, on partira dans les steppes ukrainiennes où je vous présenterai le bouquin sur l'épopée d'une anarchiste, Maria Nikiforova. Donc ça, c'était pendant la Révolution russe en 17. Et puis, Tonton Didi nous présentera un livre sur l'écologie, individualisme et course au bonheur de Aude Vidal. Et enfin, on terminera par l'agenda et les sorties de la distro, donc où vous pouvez nous retrouver. Et en attendant, on va s'écouter un petit morceau d'un groupe punk hardcore japonais, Schizophrenia, et avec le titre Marionnette. Come on! Hawaï, c'est faire des badges ensemble. Car ensemble, tout devient possible. DIY, c'est faire des t-shirts ensemble. Car ensemble, tout devient possible. Ensemble, tout devient possible. Car l'union fait la force tranquille. Ensemble, punk à roulette américain, si possible. DIY, c'est réparer des vélos, mais pour amener les bières, il vaut mieux une auto. Ensemble, tout devient possible, car l'union fait la force tranquille. Ensemble, alors, nous avons écouté là juste DIY des Trotsky Nautiques. Alors DIY, ben, en fait, c'est une bonne introduction au texte que je vais présenter. Donc moi, je vais présenter la brochure de la ZAD Notre-Dame-des-Landes qui a été écrite en février 2018. Alors la personne qui a écrit ce texte était déjà hors du mouvement au moment où elle a écrit ce texte. Il ou elle, on ne sait pas. Et elle s'appelle « Le mouvement est mort, vive la réforme !» Point d'exclamation. Une critique de la composition et de ses élites. Alors en fait, moi j'ai choisi ce texte parce qu'en fait, depuis l'extérieur de la ZAD... Ah, apparemment on m'entend mieux comme ça. Oui, c'est mieux. Ok. Depuis l'extérieur de la ZAD, moi j'avais accès qu'au discours unitaire et consensuel... et aux appels à soutien à la ZAD, donc avant la victoire, entre guillemets, en 2018. Et donc, lors de ma venue en soutien en 2016, lors de la grande marche au bâton, j'ai vite compris que cet appel n'était pas issu d'une décision complètement unitaire. Et je me suis vite sentie un peu comme une touriste et pas trop à l'aise, en fait. Donc, quand j'ai découvert cette brochure... le titre, déjà, m'a fortement intriguée. Et cette personne, en fait, qui a écrit ça, parle surtout de son ressenti à propos des dynamiques de pouvoir qui ont été mises en place lors des quelques mois qui ont précédé la victoire. Mais après, il parle aussi des quelques années qui ont précédé la victoire. Donc il parle de pas mal de trucs, mais je vais vous lire un extrait un petit peu pour que vous compreniez un petit peu son intention. Je n'avais tout simplement pas vu par où passerait l'inévitable réformisme cette fois, discrètement mais sûrement, là où on parle pourtant d'insurrection et d'autonomie, par ailleurs exemplaire. Alors me voilà à tenter de nommer ça en pensant aux personnes qui se confrontent dans les luttes aux mêmes dynamiques de pouvoir, souvent portées par les mêmes tendances, mais pas que, et qui continuent à se refiler les billes pour pouvoir y faire face. Donc, la personne qui a écrit cette brochure, donc elle a surtout mis en évidence les dynamiques de pouvoir, elle a nommé les personnes qu'elle accusait, etc. Mais moi... ce qui me semble intéressant dans ce texte, c'est pas tellement de nommer les différentes parties en place, mais par contre, ce qui me semblait super intéressant, c'est de partager une réflexion sur les dynamiques de pouvoir qui se jouent en fait au sein de plein de luttes et même, je dirais, au sein de pas mal de collectifs et même de milieux plus institutionnels comme des associations, etc. Parce qu'il me semble qu'à travers ce texte, on a l'opportunité d'approfondir. Enfin, moi, j'ai eu l'opportunité d'approfondir mes propres réflexions sur la question de la prise de pouvoir. Et du coup, sans nommer les groupes auxquels il fait référence, parce que ça a été écrit il y a 2 ans aussi. Du coup, je laisse l'opportunité et je trouve ça logique, en fait, de pas les nommer, parce que ça fait quand même il y a 2 ans. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est l'importance pour cette personne qui a écrit ce texte de mettre les conflits en évidence. Parce que ça permettait, en fait, d'affiner l'analyse et de sortir d'une dynamique publicitaire qui a souvent lieu lors des luttes et qui sont souvent construits sur des mythes qui sont purement performatifs. Donc, voilà, cette personne met surtout en évidence l'importance pour elle des pratiques et des questionnements qu'elle-même, elle a vécu, en fait, pendant cette lutte, et qu'elle met en contradiction avec l'importance du lieu, de la puissance matérielle et de la pérennité aussi de la lutte. Donc pour elle, voilà, ce qui est important, c'est plus la pratique, les questionnements, la remise en question, etc. Du coup, je vais vous lire encore un extrait. Alors cet extrait est une autocritique. C'est une autocritique sur la prise de pouvoir aussi. Alors c'est vrai que cette autocritique, elle est minuscule par rapport aux attaques directes que contient cette brochure, parce que effectivement cette personne nomme vraiment les personnes qui pour elle ont pris le pouvoir et sont rentrées dans des dynamiques centralisatrices, etc. Donc voilà, ça peut. Pour moi, en fait, ça pose aussi des questions sur les blessures qu'une lutte peut laisser derrière elle. Et d'ailleurs, cette personne, entre parenthèses, elle est dans ce texte-là que vous pouvez trouver sur Infokiosque aussi, elle laisse une adresse pour un retour critique à la première page, auquel voilà, on peut aussi réagir, et je crois que cette personne est en demande de réaction par rapport au texte qu'elle a écrit. Donc cet extrait commence ici. J'ai moi-même souvent galéré dans la tension entre efficacité et horizontalité, et la tension de réagir à des situations avec l'urgence, comme moteur, plutôt que de partager les infos pour que chacune et chacun puisse se positionner. J'ai été parfois confrontée à des critiques sur la place que je prenais, individuellement ou avec d'autres occupants et occupantes, avec qui j'avais choisi de m'organiser. On avait choisi de former un petit groupe sur des bases d'affinité politique et d'engagement dans le temps, parce que le flou politique et les va-et-vient sur la ZAD nous épuisaient. Notre ancienneté sur la zone et nos liens alentours nous permettaient une compréhension d'ensemble et plus de marge de manœuvre et d'initiative. Alors je me souviens d'une réunion des APS où on avait compté les interventions. Ça avait révélé que je concentrais à moi seul, ce jour-là, beaucoup trop de prises de parole à cause de multiples informations importantes que j'avais en ma possession et ma facilité à m'exprimer. À certains moments, c'était difficile, effectivement, de trouver une manière de partager les infos et les propositions sans prendre un rôle indispensable et central. Mais ce qui me paraissait essentiel, c'était d'accepter de questionner cette position et de prendre le temps pour essayer de mettre les clés en commun, quitte à ralentir. Voilà, écoutez, je vous invite à lire cette brochure, qui est très intéressante au niveau de la réflexion sur les prises de pouvoir, sur les questionnements, aussi sur les remises en question du pouvoir qu'on peut prendre soi-même. Et pour ça, je vais vous proposer d'écouter une musique de Catherine, qui s'appelle « La Reine d'Angleterre », que tout le monde connaît peut-être, mais en fait, moi, ça me rappelle juste un moment que j'ai vécu là-bas, où je me faisais une petite promenade dans les bocages et où il y avait 3 personnes qui me précédaient et qui chantaient en canon cette chanson. Dam dam dam dam dam dam. Dam dam dam dam dam dam. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. Je vous chie à la reine car le monde est ainsi. D'Angleterre et je vous chie à la reine. Hello, I am the queen of kingdom and I am shitting on your face. Hello, I am the queen of kingdom and I am shitting on your face. Je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. Et pour continuer, on va écouter la Magnocchina de René Binamé. Alors, c'est un morceau qui est sorti sur le label Arèche. Donc, les Binamé seront en concert ce samedi 1er février avec Asile et Con Mécontent à la Maison des Jeunes Le Gué, chaussée de Rodebeek, 296 à 18h30. Ça, c'est l'entrée et c'est 6€ avec des bières pas chères. Donc, ça, c'est les René Binamé le samedi 1er février. On s'écoute Magnocchina pour introduire le sujet qui suit. C'est parti. Ah, et c'est la version acoustique. Magnocchina, Magnocchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Anarchiste, communiste, sans bras de la révolution. Paysans, vous avez repris la terre et détrôné les affameurs. Mais par un traité Lénine, vous livrez aux armées allemandes. Mais par un traité Lénine, vous livrez aux armées pour que tous les prolétaires fraternisent sans entrave. Par la force vive de l'insurrection, tu repousses les armées blanches, mais tu refuses de voir ton ennemi à Moscou. Mais tu refuses de voir ton ennemi à Moscou. Isolement fatal, dans ton sang les bolcheviques sauvent l'état capitaliste. Pour de bon par-dessus les frontières, pour l'anarchie, pour le communisme, se rallumera le brasier qui consumera le vieux monde. Se rallumera le brasier qui consumera le vieux monde. Thank you. Maria Nikiforova, la révolution sans attendre, l'épopée d'une anarchiste à travers l'Ukraine 1902-1919. C'est un bouquin écrit par Mila Kotlenko chez Mutins Éditions, édité en 2014. C'était déjà un classique dans la Pinothèque. Alors pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce livre virevoltant et trépidant ? Dans une période où les pratiques sociales démocrates dominent et se drapent du drapeau de la piraterie ou de l'anarchisme, il n'est pas trop mal de jeter un coup d'œil agile sur cette histoire peu connue. Ce livre est sacrément bien foutu. À chaque matrioshka, les matrioshkas, c'est des petites poupées russes qui contiennent chaque fois une autre petite poupée russe et ainsi de suite. Donc chaque matrioshka correspond à un chapitre assez court de cette histoire d'anarchistes en Ukraine qui ont tenté sans relâche de braver l'autorité qui s'étend de l'autocratie tsariste aux nationalistes cosaques en passant par les bolcheviks récemment installés au règne du pouvoir. Ce livre est loin de peindre tout le décor en noir luisant. Il est aussi critique sur les anarchistes qui n'étaient d'ailleurs pas un bloc, mais un foisonnement d'idées et de pratiques. Ce récit étoffe passionnément l'histoire de la tentative ou des tentatives durant la Révolution russe. Révolution que l'on voit souvent ou trop souvent résumée à la prise du pouvoir par les bolcheviks et la mise en place du régime soviétique. En même temps que ce processus, cette révolution qui éclate contre la guerre, contre la faim, contre le despotisme tsariste, des anarchistes, des paysans, des ouvriers, des marins mènent d'âpres luttes qui tentent de développer autre chose que la reproduction de l'ordre étatique. Maria Nikiforova, appelée aussi Marozia, est née en 1885 dans la ville ukrainienne d'Alexandrovsk. Employée comme laveuse de bouteilles dans une distillerie de vodka, elle rejoint le groupe local d'anarchistes communistes. Ces anarchistes, à contrario des bolcheviks qui usaient du décret de l'autorité étatique des services et des sévices de la Tchéka, Tchéka police politique impulsée par les bolcheviks, les anarchistes communistes, eux, tentaient de mettre en pratique l'expropriation des biens de la bourgeoisie, des propriétaires terriens, l'exécution de patrons, l'incendie des domaines et des propriétés, et de mettre en place des communes libres. En 1917, celle qui était désormais connue sous le nom de Marozia et qui avait suivi une formation militaire déserta le front de Salonique pour rejoindre Petrograd où elle se lança immédiatement dans la lutte contre le gouvernement provisoire de Kerensky, avec comme mot d'ordre tout le pouvoir aux soviets. La Fédération des groupes anarchistes de Petrograd comptait 18 000 membres en octobre 17. Préconisait la révolution sociale. Marozia participait bien sûr à l'insurrection des journées de juillet 17. Au début de 1918, avec Makhno, elle œuvre au désarmement de 18 unités cosaques envoyées par les partisans de l'ancien régime. À ce moment-là, elle prend en charge le commandement militaire et elle équipe alors une drouznia du combat. La drouznia, c'est un wagon blindé rempli de calèches munies de mitrailleuses qui allait sillonner l'Ukraine. Alors, je vous raconte bien sûr pas tout, toute l'histoire, puisque l'idée, c'est de vous donner envie de lire ce magnifique livre. Mais donc, du coup, Marozia Maria Nikiforova passe au printemps 1918 devant le tribunal révolutionnaire d'honneur, donc sous l'ordre des bolcheviks, mais fut acquittée. Parce que, bon, évidemment, comme ils organisent des réappropriations, des pillages pour le rendre aux paysans. Ce n'est pas tellement du goût des bolcheviks, cette manière de fonctionner, qui, eux, fonctionnent plutôt par décret et par l'autorité de l'État. Et donc, voilà, elle est plusieurs fois jugée, puis après, elle est relaxée. Mais à un moment donné, et notamment par la suite, quand le traité de Brest-Litovsk va être signé entre les bolcheviks et l'Allemagne et les États centraux, donc ils vont donner littéralement l'Ukraine à l'Allemagne et aux États centraux. Du coup, je dirais l'ambiance qui était déjà tendue va vraiment carrément changer et la répression face aux anarchistes communistes va être vraiment très dure avec des éliminations, des assassinats, des désarmements. Makhno va être déclaré hors la loi. Du coup, c'est à ce moment-là que Marussia va se retrouver dans la clandestinité et va organiser une série d'attentats, notamment ce fameux attentat du 25 décembre 1919 au siège du Parti communiste où il y aura où était prévue une réunion avec 150 dirigeants du gouvernement soviétique où il y aura 22 morts et une cinquantaine de blessés. Et voilà, donc ce bouquin raconte un peu toute cette histoire très peu connue. En fin de compte, en français, il existe peu de choses sur le sujet. Ça compile plusieurs ouvrages écrits en russe, en anglais. C'est vraiment passionnant. Ça se lit assez facilement. Et alors, le bouquin se finit avec un texte de Alfredo Bonanno, que moi, je ne suis pas fan à la base de ce qu'il écrit, mais là, pour une fois, je suis surpris. C'est assez étonnant. C'est un texte qu'il a écrit pour la réédition d'un bouquin sur les écrits de Nestor Makhno, qui était un autre anarchiste russe à l'époque, enfin ukrainien plutôt. Et du coup, ben, ça met en garde sur la glorification de Nestor Makhno. Et donc, du coup, ça met en perspective des critiques sur le frontisme, donc ce qui s'est passé. Hein, les anarchistes, à certains moments, étaient côte à côte avec les bolcheviks, même si à d'autres moments, ils se sont fait réprimer par ces bolcheviks. Ils ont été utilisés à d'autres moments. Et donc, c'est intéressant parce que le texte de Bonanno met ça en perspective critique sur la fameuse efficacité militaire. Des réflexions très intéressantes sur l'organisation et le bureaucratisme involontaire qui se passe à cette époque-là. Voilà, c'est un bouquin qui a été édité chez Mutines Éditions, dans la collection Fil Noir de l'Histoire, édité en septembre 2014, et disponible à la Lapinothèque pour la modique somme de 4 euros. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un petit bijou. Une chouette découverte, et pour se fêter ça et pour se délecter les papilles, on va s'écouter Cent ans morts, Tcherkezy United, justement un morceau très rare de Sur Maria Nikiforova. C'est parti. Анархистом постала. Пляцка банки, диверзії, бомби, прогон, міліція, із Сибіра, Сєцкограда, права революція, Маруся, рай, патріна, це нас тирані, опять смо слуги в'єде постали, Маруся, рай, патрі, храбра і понос, на дух понад зове, зове, свободи. Октобаріє, кладан стіго, народ все рано, гедіго, Русичка, слава у церном, слобода не предодим. Турнице у руки люди, земля нех се розподіли. Не треба нам господара, паразита прокляти. Маруся, раз, два, три, гази на тирані, опять смо слуги в'єде постали. Маруся, раз, два, три, хабра і понос, на двох понад зове, зове, свободи. Для многих najčistije zarobili, Marusičku strijeljali. Marusja, raz, dva, tri, nemoj se bojati, doći će nas. Vous êtes toujours sur Radio RLI 87.7 FM, écoutable sur le nouveau site de radioRLI.net. Le téléphone, c'est le 02 344 58 55. L'adresse est 365 A Chaussée d'Alsemberg à Forêt, Bruxelles. Et puis, on va s'écouter notre ami Didi. Bonsoir. Alors, je vais vous présenter donc Écologie, individualisme et course au bonheur de Aude Vidal, aux éditions Le Monde à l'envers. Il y a eu une première édition en 2017, et là c'est le quatrième tirage qui a été tiré en 2019. Et il y a une magnifique couverture en sérigraphie. Voilà, il y a plusieurs exemplaires à la Lapinothèque, et il est à 3 euros à la Lapinothèque. J'ai choisi ce bouquin-là parce que je trouve qu'il aborde bien les travers des mouvements écologistes qui, encore plus qu'intégrés au capitalisme, ils le défendent et ils le maintiennent. Je vais expliquer un peu ça. Donc elle commence par aborder une critique de l'individualisme et du libéralisme, en expliquant comment la pensée et la pratique libérale, surtout, s'insinuent aussi dans nos rapports, au-delà de l'aspect purement économique. Par exemple, un truc qui m'a marqué, elle parle du le sens de la vie, qui placerait comme objectif la recherche du bonheur, qui est un peu un truc hyper actuel de se dire le plus important, c'est la recherche du bonheur. Et ben, c'est un truc très récent, qui n'est apparu qu'au XVIIIe siècle en Europe, et qui n'est pas non plus universel, quoi. Il y a d'autres sociétés ou d'autres endroits dans le monde où les valeurs les plus importantes, ben, ça peut être la recherche d'égalité, de justice, ou par exemple d'harmonie avec la nature et avec le monde. Par exemple, je pense aux cosmovisions andines qui essayent de nourrir une vision plus large que la séparation classique entre l'homme et la nature. Et donc voilà, là par l'harmonie, bah, de se dire ce qui compte, c'est de prendre soin des rapports des gens qui s'entourent avec leur environnement, etc. Elle démonte aussi le concept d'alternative qu'on nous vend tout plein aussi actuellement. Elle parle, enfin, elle rappelle qu'une alternative, c'est un choix entre plusieurs choses. Et ben, on peut se poser la question, quelle part de choix on a à sortir simplement du capitalisme comme ça, en se disant, ben, je consomme bio ou on construit des habitats groupés, etc. Et donc, c'est des alternatives. Non, en fait, le capitalisme nous rattrape tous les jours. Elle inscrit sa critique en démontant tout le boom cinématographique qui est né il y a une dizaine d'années avec des films comme Demain, Le Tour de France Alternative ou Mille et une initiatives de transition écologique. Et ce qui m'a paru très intéressant, c'est qu'en démontant ces films-là, elle pointe du doigt la très faible ou quasi inexistence de conflictualité qui entoure ces films. Et elle dénonce tout, comme s'il fallait juste un peu de bonne volonté pour que les gros acteurs économiques qui s'en mettent plein les poches dans ce monde, ils arrêtent l'exploitation parce que en fait c'est cool quoi. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Et alors, en parlant de développement personnel, elle montre justement les travers qu'amène le fait d'avoir une recherche effrénée, enfin du bonheur, d'en faire l'unique préoccupation, quoi. Je vais vous lire un petit passage sur le développement personnel que j'interprète comme gangrène de nos potentialités de lutte. Loin d'être une aspiration partagée et au fond peu signifiante, le développement personnel est une idéologie qui perçoit le monde social comme étant uniquement quelque chose de contraignant dont il faut se détacher. Se détacher de sa famille, de son boulot qui nous pousse au stress. Libérer sa créativité contre un environnement qui nous limite. Il n'arrive absolument pas à concevoir que la promotion de l'autonomie, du détachement des normes sociales est peut-être la plus contraignante des normes sociales qui existent. Comme en témoigne le succès d'un slogan comme « Soyez vous-même », des spots publicitaires au rayon sagesse des librairies. Se changer soi pour changer le monde. Cette prescription qui travaille en profondeur le petit monde des alternatives semble au final un leurre, car travailler sur soi-même, rappelle Nicolas Marquis, c'est avant tout accepter une vision du monde où chacun, chacune, étant capable d'aller bien, chacun, chacune est responsable de son sort. Bien que critique du système, les lecteurs et lectrices de développement personnel relaie une injonction à la responsabilité personnelle particulièrement bien intégrée dans les régimes libéraux. Dans la société de l'autonomie comme condition, une fois que vous avez identifié les responsables, arrêtez de leur en vouloir parce que rien ne sert de pleurer sur le fait répandu. Il faut aller de l'avant. L'individu lui-même doit se poser la question, non pas qui est responsable de mon malheur, mais que puis-je faire pour m'en sortir ? Le présupposé qui est inclus là-dedans, c'est que l'individu lui-même qui est responsable. Et voilà. Et peut-être je peux ajouter un petit truc sur l'écologie, parce que voilà, clairement, elle démonte tous les travers des mouvements écologistes actuels. J'amène un petit truc, une interprétation positive des luttes écologistes que je peux avoir, en reprenant l'écologie au sens étymologique, qui du coup, Écos, logos, écos, habitat. Logos, étude, du coup, étude de l'habitat, de l'interaction des individus entre eux et avec leur environnement, donc environnement social aussi. Et en fait, en prenant cette définition-là, j'ai envie de chercher comment est-ce que tout le monde a sa place dans un environnement social donné. Et donc, c'est pas moi, l'exploitation, la rentabilité, l'exploitation, c'est très contradictoire, quoi. Et donc pour moi, l'écologie n'a de sens qu'en abolissant le capitalisme. Voilà. Et bientôt, on va parler latin, hein, ici. Est-ce que je peux rajouter un grec, petit truc grec. Ah bah vas-y. Hein. Je peux rajouter un petit truc, parce que ça me fait penser, coup, moi je connais pas du tout ce bouquin, mais ça me fait penser à toutes les méthodes d'intelligence collective qui sont pour l'instant hyper à la mode au sein... du milieu associatif, mais aussi au sein des entreprises privées, et donc qui font croire que par des méthodes de soi-disant intelligence collective, qui sont issues du milieu autonome, anti-autoritaire, etc., mais qui sont appliquées, qui sont récupérées par le management pour être appliquées dans des entreprises privées, pour faire semblant d'une pseudo anti-autorité, une pseudo prise de responsabilité des gens, ben finalement, en fait, ça fait exactement partie du même mouvement de ce dont tu parles. Enfin, moi, ça me fait penser à ça, vraiment, de donner la responsabilité aux gens, soi-disant, mais après, tu restes quand même complètement dans une structure complètement hiérarchisée. Voilà, oui. Mais pire, ce qui me dégoûte, et c'est ça qui amène le bouquin, et ce que ça fait aussi, ce que tu dis, c'est que ça le renouvelle, en fait. Enfin, tu vois, du coup, les trucs de management environnemental, de nouveau managériel, c'est une manière de renouveler le capitalisme. De recycler. Les patrons sont plus sympas, on écoute un petit peu les travailleurs, mais juste un petit peu, et c'est juste pour, au final, pour augmenter la productivité et le fait que les gens se sentent bien. Et c'est sûr que des gens qui font du développement personnel et qui font du yoga et qui font des trucs, ben, c'est plus chouette d'aller travailler comme ça, et c'est vrai. Mais à ce moment-là, on n'attaque pas le nœud du problème, quoi. Oui, puis on voilà. Oublie la lutte des classes, et puis on oui, en arrive à l'auto-exploitation et l'auto-culpabilisation. Ouais. Et bien là-dessus, on va s'écouter un petit morceau de nos amis Pata et Copunk, les Slugs, avec leur nouvel album « Je suis pas ton ami », sorti sur le label Arech, avec le titre « Bicyclette ». Les Slugs en concert ce 22 février, on en reparle tout de suite dans l'agenda. Un concert Niman, c'est illégal, soutien sans papier, mais on en reparle dans l'agenda. On s'écoute tout de suite « Bicyclette » des Slugs. Agenda avec le petit générique que les camarades cachés derrière les platines va envoyer d'ici un instant. Vous êtes toujours sur Radio Air Libre, Tranche de Nard, la distro, la pinothèque et le générique. Yeah. l'agenda de la Distro Lapinothèque. C'est là où vous pouvez retrouver la Distro Lapinothèque et on part tout de suite en direct avec Dylan. Nous serons samedi 22 février à la soirée Nimantis Illégal en soutien au Lidé sans papier. Alors, il y a toute une série de groupes que je vais tenter d'énumérer, mais vous excuserez ma prononciation. De Partridge Ambulance, Lavender Witch, Une Officielle Tuvalu, les Slugs que nous venons d'entendre, Victor Deroux, Vieze Meiche, Zolt, DJ Selim Dion, and Gaze Terlink, un atelier de sérigraphie, une table d'hôte et bien sûr la Lapinothèque. Ça se passe au VK le 22 février, rue Manchester, numéro 1315 à Molenbeek. Donc c'est plus l'ancien VK, c'est dans où est Recyclard. Donc les gens ne se trompent pas de lieu. Sinon, on sera aussi présent le samedi 29 février lors de la discussion sur l'actualité du mouvement social au Chili à la bibliothèque Akrata. Donc c'est encore à confirmer, mais normalement le samedi 29 février au local Akrata à 15h30, rue de la Grande-Île à 1000 Bruxelles, pour une discussion sur l'actualité du Chili. Il y aura quelqu'un qui était là-bas pendant les mouvements sociaux pour discuter de tout ça. Et voilà, ou sinon si vous voulez des infos sur les concerts à venir, il y a le site aredge.net. Dans l'onglet agenda, vous trouverez un tas de propositions de concerts et d'activités en Belgique et ailleurs. Et vous pouvez aussi aller consulter l'agenda Indie Media Bruxelles pour plein d'informations. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la Distro Lapinothèque le mercredi 26 février à 20h30 sur Radio Air Libre. C'est pas le mercredi prochain, hein, c'est dans un mois. Ouais, c'est dans un mois, mais je suis pressé. Je suis pressé, c'est pour ça. Et le mercredi 26 février, prochaine émission. Le mercredi prochain, ce sera Tranche de Nard, bien entendu. Et on discutera notamment, déjà en préparation, sur des conseils pratique sur les gaz au poivre, les gaz lacrymo. On a des brochures à la Distro Lapinothèque et comme il y a eu des échauffourées lundi passé près de... Devant le cercle de Lorraine où il y avait toute une série de patrons de bourges et d'industriels, de financiers qui se réunissaient et où il y a eu une tentative, enfin en tout cas voilà, le réunion a eu lieu mais a beaucoup moins nombreux que prévu et... Ce qui était fort utilisé par la police à ce moment-là comme choix répressif, c'était les bombes au poivre. Et voilà, donc on a de la documentation là-dessus à la Lapinothèque sur comment se protéger par rapport aux gazeuses familiales. Et puis poivre. On va passer à l'agenda. Militante de Tranjanard. Oui, mais on commence déjà avec tout ce qui se passe demain, c'est ça? Bah bon, je sais pas si je vais pas faire le complet, hein, désolé Nicole. En plus, je n'ai même pas préparé, donc je sais pas si. Ah oui, je vois ici. Bon, le collectif Comme chez ta mère, il organise, si j'ai bien compris là, je sais pas, c'est une conférence. Nous parlerons de la crise écologique et climatique et de pourquoi il est temps de passer à l'action. Nous présenterons aussi nos principes et mots d'action. Extinction Rebellion est un mouvement international utilisant l'action directe, non-violente, pour contraindre les gouvernements à agir face à l'urgence climatique et écologique. Ça aura lieu le jeudi, donc demain, 30 janvier à 19h, aux casernes du CU. C'est dans les locaux du collectif Comme chez ta mère, avenue de la Couronne, 227, bâtiment H, premier étage. Et donc un bar mettra à disposition des boissons et fera la possibilité de manger quelques tapas confectionnés à partir d'un vendu. Voilà. Et alors... Bon, il y a plein de trucs que vous pouvez regarder sur bxl.indiemedia.org. Il y a un truc qui s'appelle art et engagement. Le lieu, c'est qui s'appelle Plug et Pop, rue Blas, 132, à Bruxelles. Voilà, donc ça parle d'un sculpteur et visuel artiste, David Dormino. Alors, vendredi, le 31 janvier, à UPJB, l'adresse est le 61 rue de la Victoire Saint-Gilles. C'est le collectif de juifs progressistes, c'est ça? Du 31 janvier au 16 février, il y a une exposition engagée, pédagogique et artistique. C'est créé en 2017-2018 par le groupe PJPO d'Itre à l'occasion des 70 ans de la NACBA et des 50 ans de la NACSA. Bon, voilà, tout ça. Les photos présentées, belges pour la plupart, ont couvert avec engagement et une grande force d'expression cet événement dont les conséquences toujours actuelles ont dramatiquement bouleversé la vie quotidienne des Palestiniens. L'inauguration a lieu donc ce vendredi, 31 janvier de 18 à 20h. Et pour les autres heures d'ouverture, vous pouvez regarder. C'est l'entrée libre et gratuite. Et il y a aussi des visites groupées qui sont organisées à la demande. Bon, c'est toujours bxl.indemedia.org pour plus d'infos. Je vois aussi que c'est vendredi, c'est 8 mars, et donc c'est à 19h, il y a un training. La grève féministe des 8 et 9 mars approche et c'est à nous d'en faire des journées mémorables. Pour préparer ces jours, on est plus chaud que jamais. Le 8 mars, Bruxelles vous donne rendez-vous chaque vendredi soir dès le 31 janvier jusqu'à la grève. Au programme de cette permanence, atelier sérigraphie, batch au pochoir, préparation de slogans, banderoles, mais aussi échange d'idées et temps de rencontres. Attention, le vendredi 7 février, nous vous invitons à célébrer le 30 jours dès 19h à l'espace cuir autogéré Nast Monique, à côté de chez Monique, 230 quai de l'industrie Anderlecht. Donc la permanence est donc déplacée sur le lieu de la fête, venez nombreuses. Et donc chez Monique, c'est rue d'Anderlecht numéro 4 à 1000 Bruxelles. Voilà, il y a plein de trucs, mais je ne vais pas tout lire. Ouais. De nouveau un truc sur un lieu, mais je ne connais pas. Bloc et Pop, rue Blas, 132. Et ça parle de whistleblowers et taxi drivers. Bon. Ok, si vous voulez savoir plus. Et alors, on a encore le vendredi 31 janvier, Femmes et pouvoir en islam, espace Mach. Dans le cadre du cercle de rencontres débat, Femmes féministes et islam, Dakira Esbel et espace Mach ont le plaisir d'inviter Azeda Kian. C'est une auteure et conférencière, sociologue franco-iranienne, professeure de sociologie et directrice du Centre d'enseignement, documentation et de recherche pour les études féministes de l'Université Paris Diderot. Ça se passe à 19h, espace Mach, 17 rue de Poinçon, Bruxelles. Ok, alors on arrive à samedi, le 1er février. On a déjà parlé de Resistencia rencontre latino-américaine et fête insoumisa à 16h, donc pour la rencontre, qui sera à l'entrée gratuite. Pour répéter, c'est salle de la jeunesse rue Melsens 38 à 1000 Bruxelles. Et alors à 20h, c'est la fête. L'entrée sera 5 euros et ça commence à 20h. Fête insoumise avec des concerts et la danse jusqu'à 2h du matin. Samedi le 1er février à 10h, ça commence à venez occuper l'espace avec nous. L'espace est rue de la Clé 26 à Bruxelles. On a reçu récemment une mauvaise nouvelle. Le nouveau propriétaire a d'autres plans pour le bâtiment qui abrite l'espace. Il a hâte de participer au processus de gentrification en bourgeoisement du quartier d'Ansart. Et l'espace, la maison culturelle hybride bruxelloise, ne rentre pas dans ses plans. Nous voulons être les pavés indisciplinés sur lesquels trébuche la gentrification, nous le disons haut et fort lors de la création du space. C'est pire que ça, voilà, donc, bon, tout en explication sur leur lieu qui est menacé. L'espace rue de la Clé, 26, Bruxelles, et ils font appel à partir de 10h. Et je pense qu'ils ont tout un programme, oui, avec plein d'artistes. Et c'est le 1er et 2 février qui vont occuper l'espace avec un programme qui sera pendant 2 jours. Et donc, il y a encore des... si les gens veulent encore participer ou faire des performances ou autre chose, c'est toujours bienvenu. Ok, si encore le samedi, mais encore plus tôt, à 9h30, je vais commencer à la fin de la journée, j'arrive au matin. Bon, très bien, Nicole, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Samedi, donc c'est 9h30 jusqu'à 18h, Industrial World, Workers of the World, IWW, qui vous invite, Belgium, ainsi que l'Union communiste libertaire Bruxelles vous invite à suivre une formation pratique sur le syndicalisme de lutte et autogestionnaire. L'objectif de cette formation est de se donner les outils pour pouvoir s'organiser sur base de nos problématiques sociales et salariales sur nos lieux de vie et de travail afin d'y mener des luttes collectives et autogestionnaires. Elle s'applique donc au milieu du travail, avec ou sans emploi, au quartier dans lequel nous vivons, aux luttes que nous menons de manière générale. Cette formation est gratuite, mais sur inscription. Donc, vous pouvez trouver ça sur bxl.indimedia.org. Comment s'inscrire? Et donc, c'est toute la journée. Et l'accueil, c'est à 9h30. Et ça sera jusqu'à 18h. Et Aline va nous dire quelque chose. Je veux juste donner un détail, parce qu'en fait, cette inscription est complète. Mais par contre, il y a une possibilité de s'inscrire en préinscription pour une autre formation future. Donc n'hésitez pas, ça se passera au DK, hein, donc rue du Danemark, numéro je ne sais pas quoi. Mais... C'était... Voilà. Ouais, parce que c'est, sur les numéros, c'était encore lieu à préciser, donc maintenant c'est connu, c'est le DK, rue Danemark, 72, ouais. C'est ça, 1000 Bruxelles. Ok, et alors on arrive dimanche. On va commencer de 9h du matin, le 2 février, stage d'autodéfense féministe et en mixité choisie des femmes 6 et trans. Et ça se passe à Maison Bosch, rue des Tanneurs, 116 à Bruxelles. Un stage, voilà, je viens de dire, à partir de 18 ans, quelle que soit la condition physique, maximum 18 participants. C'est de 9h30 à 17h, les dimanches 26 janvier et 2 février. Bon, 26, c'est déjà passé. À la Maison Bosch, 116 rue des Tanneurs. Et prix conseillé, c'est 10 euros. Voilà. Et le soir, le dimanche, il y a un documentaire, Minga Voix de Résistance. Le lieu, c'est Le Seigneur, Chaussée d'Oivre, 366... Bruxelles, un documentaire de Pauline Dutronc et Damien Charles de Minga Voix de Résistance, c'est le titre. Et c'est à un prix de 3,5 euros, je ne sais pas. Et ça parle de, en Amérique du Sud, les peuples indigènes sont depuis près de 500 ans justement expulsés de leurs terres. Ils sont envahis par des projets miniers, des forages pétroliers, l'extension des monocultures industrielles ou des projets touristiques. Des projets de mort qui détruisent leur territoire et les cultures qui y sont liées. Et ça parle encore un peu plus, mais à lire sur bxl.org. Et alors on arrive à lundi 3 février, j'espère qu'on est presque à mercredi. C'est 19h, le MOOC Bruxelles, rue Plettings 19, organise un nouveau territoire de la précarité, retour à l'enquête ouvrière. Comment penser et témoigner de nos luttes? Comment s'emparer pour reconstruire de nouvelles dynamiques? Quelles perspectives leur donner? En donnant pas la parole à David Gaborieux, sociologue du travail, membre de la plateforme d'enquête militante et du projet WorkLock. Ben voilà, donc c'est une conférence. S'inscrit dans la campagne précarité que le MOOC Bruxelles et ses organisations, Vie féminine, JOC, voilà, Équipe populaire et tout ça lance. On est presque mercredi. Ah non, encore plein de trucs. Mardi 4 février. Quoi? Ouais, je ne vais pas tout lire. Bon, le mardi, le 4 février, encore de cycle décolonisation à midi, folklore et tradition, tout est permis. Il y a encore un truc, 13h. Ah oui, c'est ça que toi, tu vas parler. Focus sur les couilles. Hans, il trouvait que, ça, que c'était intéressant d'aller même prendre du son. C'est la première colloque sur la contraception dite masculine. Théâtre Molière, Square du Bastion, Bruxelles, à 13h, de 13h à 17h. Ben voilà, c'est gratuit. Ok, je n'arrive plus à retourner ma page. Mais... C'est comme Nicolas, toujours le même problème, ça ne tourne pas. Le... Je vais arrêter. Désolé. Vous regardez sur bxl.indimedia.org. Et on est presque mercredi. Et la prochaine fois, on a donc le collectif Insoumisos qui va venir présenter sa collectif et ses activités et plein d'autres choses. Voilà. Et je sais pas si... Eh bien, on dit à la semaine prochaine pour Transgénard. Mercredi prochain, 20h30. La radio La Pinothèque... On vous dit au revoir. Salut, merci. Salut, au mois prochain. Et, bah oui, au mois prochain, le 26 février. Et là, on va s'écouter Los Psychos, un groupe pré-punk équatorien, avec leur morceau Demolition. Un morceau qui a été fait en 64, donc bien avant... le bordel, là, comment il s'appelle encore? Sex Pistols, c'est ça? Sex Pistols anglais, eh ben, il y avait le Psychos qui criait déjà comme des psychopathes pour détruire toutes les stations de train, comme au Chili d'ailleurs maintenant. C'est parti, Demolition, Los Psychos. Yeah. demoler, demoler, demoler, demoler, demoler. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya. Wow!